En Corée, les rassemblements soutenant entièrement la déclaration du gouvernement ont eu lieu à l'usine des appareils d'automation de Pyongyang, à la centrale de la jeunesse de Wonsan, à la fonderie Kumgang de Munsun, à la ferme coopérative de Daechu de l'arrondissement d'Anak, à l'école normale supérieure Kim Yong-jik et autres usines, entreprises, fermes coopératives et grandes écoles. À la suite de la lecture de la déclaration, les orateurs ont déclaré qu'ils sont déterminés à développer davantage la dissuasion nucléaire autodéfensive destinée à faire éclater foncièrement la source de l'injustice et du mal. Ils ont exprimé leur soutien absolu à la position du gouvernement, rejetant complètement la résolution de sanctions mise au point par les États-Unis et leurs valets. En déclarant que la victoire a été et sera toujours à notre République et à notre peuple, ils ont décidé de suivre fidèlement la ligne du parti, consistant à développer simultanément l'économie et les armements nucléaires, en pensant tout comme les militaires à la tranchée, avant d'exprimer leur détermination d'œuvrer dynamiquement dans la marche de Malima, sous le drapeau de la primauté de l'esprit de se renforcer soi-même.